La Bible David Martin 1855. Épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Romains chapitre 1. Paul serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans les saintes écritures. Touchant son fils, qui est né de la famille de David, selon la chair, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sanctification par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu la grâce et la charge d'apôtre, afin de porter tous les gentils à croire en son nom, entre lesquels aussi vous êtes, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ, à vous tous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâce touchant vous tous, à mon Dieu par Jésus-Christ, de ce que votre foi est renommée par tout le monde. Car Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières, que je puisse enfin trouver par la volonté de Dieu quelque moyen favorable pour aller vers vous. Car je désire extrêmement de vous voir, pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. Or, mes frères, je ne veux point que vous ignoriez, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous, que parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux ignorants. Ainsi, en tant qu'il est en moi, je suis prêt à annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi ». Car la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Car les choses invisibles de Dieu, savoir, tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont devenus vains en leur discours, et leur cœur destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se disant être sages ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image de l'homme corruptible, et des oiseaux, et des bêtes à quatre pieds, et des reptiles. C'est pourquoi aussi, Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur, de sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté déshonorant entre eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en fausseté, et qui ont adoré et servi la créature, en abandonnant le Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leurs affections infâmes, car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Et les hommes tout de même laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés en leur convoitise l'un envers l'autre, comme étant, hommes avec comme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement, tel qu'il fallait. Car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement, pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables, étant remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs. Rapporteurs, médisants, haïssant Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de maux, rebelles à père et à mère, sans entendement, ne tenant point ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, gens qui jamais ne se rapaisent, sans miséricorde, et qui, bien qu'ils aient connu le droit de Dieu, savoir, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, ne les commettent pas seulement, mais encore ils favorisent ceux qui les commettent.